braque les spots sur nous. Que je marque les esprits et l'époque. Mais disons qu'on se boite, le micro défonce les portes. C'est pour les accros, apporte le mal son antidote. J'fais monter la pression et ça gigote dans tous les sens. Mes potes et moi on met une fire dans le coin. Incroyable, lourd comme quand je cogne un micro dans le poing. J'pars en voyage comme quand j'ai tiré dans le joint. Nickel sky avec le son, ça fait un putain de mariage. Ça, on est des parias avec le sens du rythme. Marianne, t'inquiète, les jeunes, on va en prendre soin. J'crache une autre tuerie. Tes bras se lèvent tout seul, de quoi péter une tuerie. T'froisser la colonne vertébrale. J'ai bluffé le jury, j'lui ai fait l'intégrale. La foule a hurlé, braille, ça tue même quand il rappe tout seul. Pas de petite nature, j'connais rap, R&B enclenché. Django chant, y'a pas moyen de faire un beat. Braque les spots sur nous, on vient péter le score. Dis-nous, tu veux les ghetto stars, c'est nous. Pour un nouvel éclat, tu dois braquer les spots sur nous. On vient péter le score. C'est comme ça que j'existe. Quand les autres vivent sur l'enfer, croyant que le ciel se désiste. Je suis vaillant, je résiste tant bien que mal. Défaillant, les zoulous subissent comme dans Headman. Je grave mes rugissements sur disque. Pour calmer vos nerfs, je mérite un tonnerre d'applaudissements. Les vrais gars, y'en a un sur disque. Ma zik révolutionnaire se marie avec la banlieue. Paris, les arrondissements, j'arrive. Chaud et repart dans un crissement de pneus. Je suis unique comme une rafale qui te manque de bœufs. Tu peux en être sûr. T'es immortel si tu touches les gens. Moi je rentre dans la légende si je me fais tirer dessus. Quit talking, stop stalking. Get out my face, start walking. You lying, cause I'm shining. You can't be me, so stop lying. Braque les spots sur nous, on vient péter le score. Dis-nous, tu veux les ghetto stars, c'est nous. Pour un nouvel éclat, tu dois braquer les spots sur nous. On vient péter le score. Dis-nous, tu veux les ghetto stars. Tournée, calme, c'est un tout, une nouvelle fournée. 2005, mon âme en 45 tours à poney. Au lourd, sans tes plaies, sous pansement, même sans monnaie. Ski, je veux voir sueur et déhancement, tant de poignets. Comme au commencement, on fait ce qu'on est petit depuis le lancement. Du premier scud, ce que je récite, c'est pas du Freud, c'est philosophie de terrain. Y'a le feu sur le dance floor, je rappe comme quand j'avais rien d'autre que la balle et le mauvais profil. Quand la chance tournait le dos, je bouffais l'instrumental qui fait mon seul profit. Mes lyrics, je les dope. Les mauvais trips, les stops, les culino sur moi braque les spots. Quit talking, stop stalking. Get out my face, start walking. You lying, cause I'm shining. You can't be me, so stop lying. I ain't fucking with you. No, not the way it's gonna be. Cause you out your mind to think that I would waste my time with you. Braque les spots, nous, on vient péter le score. Dis-nous, tu veux les ghetto stars. Je suis qu'un chanteur du ghetto, mais j'y suis si fidèle. Ceux qui parlent ne sont pas ceux qui paient.